restions de glace à nos pauvres grimaces. Ce monde sera tout lié, personne n'est en partance vers les chemins de l'errance. Lorsque finissent les romances, nous sommes réincarnés, même si c'est faux et imprudent qu'écrire ces mots. Insolent, nous chevaucherons nos mémoires pour un sursis. Quand arrive le soir et qu'on est tous surpris de s'apercevoir que l'on ne se suffit de peu que l'on a vécu. Avant que tout ait disparu, que se flétrissent nos corps nus, aurons-nous l'audace d'espérer qu'il nous reste la volupté. Nous serons sans défense jusqu'au bout de nos vies, nous serons comme l'enfance que l'on nous a ravis, même si c'est faux et imprudent qu'écrire ces mots est insolent. Nous chevaucherons nos mémoires pour un sursis.